Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. L'aventure de l'imprimerie. Gutenberg, un homme de caractère. Prenons une belle pomme de terre, coupons-la en deux pour obtenir une surface plane. Avec la pointe du couteau, dessinons un motif, un dessin, une lettre. Mais alors attention, il faut faire bien gaffe qu'elle ne soit pas dans le bon sens. Il faut qu'elle soit inversée. Un peu d'encre, un tampon, du papier. Il faut presser fortement avec la main et ça y est, nous avons inventé l'imprimerie. Oui, mais voilà, la pomme de terre au milieu du 15e siècle n'est pas connue des Européens. Il faut attendre la traversée de l'Atlantique et la rencontre avec l'Amérique. Une histoire du texte écrit et reproduit à base de xylographie, sérigraphie, typographie et imprimerie. Mais avant cela, il faut copier à la main. Eh bien, Hato, que déduis-tu de notre petite visite? Nous ne sommes pas ici pour rire. Mais as-tu noté combien peu de livres sont entreposés dans le scriptorium? Tant de scribes, tant de copistes, de traducteurs, de penseurs, de chercheurs. Où donc est la multitude d'ouvrages nécessaires à leur travail? Et pour laquelle cette abbaye est réputée. Où sont donc tous les livres? Mais où sont donc tous les livres? Dans le film Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano, d'après le roman, évidemment, d'Umberto Eco. Bonjour Caroline Vran. Bonjour Xavier. Il faut le dire tout de suite, avant l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, il était déjà possible de reproduire des documents. Nous avons cet imaginaire du copiste dans le monastère, mais il y avait déjà des techniques. Tout à fait, on s'est imprimé avant Gutenberg et c'est bien ce qu'on montre dans cette exposition qu'on a pour cette raison choisi d'intituler « Imprimé » et non « L'invention de l'imprimerie ». On s'est imprimé en Europe, on s'est imprimé aussi en Asie bien avant Gutenberg et on s'est imprimé reproduire de l'image, reproduire du texte en Europe peu avant Gutenberg, à partir du début du XVe siècle. Nathalie Coyy, bonjour. Bonjour. Ben oui, il faut le souligner et le rappeler sans cesse. L'invention telle que nous l'imaginons, c'est ce déclic soudain qui change complètement les choses. Mais non, tout cela s'inscrit dans un processus très long et un processus, comme cela vient d'être évoqué, qui est un processus mondial sans qu'il y ait de relation, parce que il y a toujours cette question, qui a inventé l'imprimerie? Alors nous répétons sans cesse Gutenberg, mais on pourrait dire c'est le fruit d'une très longue réflexion. Oui, effectivement, quand on énonce le fait que Gutenberg a inventé l'imprimerie, on dit des choses qui sont vraies, hein. On dit qu'effectivement, il y a un certain nombre de sources européennes qui pointent vers Gutenberg, vers la ville de Mayence, et qui nous permettent de comprendre qu'il y a eu un moment décisif à ce moment-là dans la mise en œuvre du processus qu'on appelle l'imprimerie, de manière assez courante, notamment en français, et qui est en fait un processus assez complexe, assez difficile à mettre en œuvre. Mais Gutenberg n'est pas parti de rien. Être un inventeur, ça veut dire aussi travailler à partir d'un terreau, à partir d'un creuset technique que Gutenberg maîtrisait et possédait extrêmement bien. Et ce qu'on peut dire, c'est que Gutenberg, pour l'Europe, a mis en relation des techniques de fabrication du multiple qui lui préexistaient dans le domaine des arts métallurgiques et dans le domaine des arts graphiques, et les a fait se rencontrer d'une manière extrêmement intelligente, encore une fois relativement complexe, mais extrêmement pertinente pour le contexte européen. Gutenberg est né à Mayence autour de l'année 1400. À ce moment-là, quels sont les procédés utilisés pour reproduire un document? Parce que toujours cette même question, hein, reproduire un document, c'est reproduire quoi? C'est reproduire du texte ou de l'image? Alors déjà, pour l'image, Caroline Vran. Alors effectivement, vers 1400, c'est une époque, c'est un tournant décisif dans l'Europe, puisque c'est à ce moment-là, vers 1400, qu'a lieu ce qu'on pourrait appeler la première révolution du multiple en Europe, avec la mise au point de la première technique qui va permettre d'imprimer, qui est la xylographie. Alors la xylographie, c'est une impression à partir d'une planche de bois gravée en relief. Gravée en relief, ça veut dire que l'image est épargnée, le graveur va graver ce qui correspondra au blanc après impression, et le motif qui sera ancré est laissé en relief. Donc ça, c'est la première technique qui permet d'imprimer, qui se concentre dans un premier temps sur la diffusion de l'image imprimée. Et à cette époque-là, l'image, c'est avant tout de l'image de dévotion, donc des sujets religieux. Et ce qu'il faut vraiment souligner, c'est le d'emblée la puissance de diffusion. C'est-à-dire qu'à partir d'une matrice gravée, on peut imprimer plusieurs centaines d'épreuves. Donc ça va être plusieurs centaines d'images identiques qui vont circuler et qui vont circuler dans toute l'Europe. On sait que les images circulent. Donc ça, c'est vraiment la première technique. Et ensuite, vers 1440, dans la vallée du Rhin, donc on y reviendra sans doute, c'est très important pour Gutenberg puisqu'il a été quand même actif un certain temps à Strasbourg. Donc dans la vallée du Rhin est mise au point une deuxième technique qui est la technique de la gravure sur cuivre en creux. Et là aussi, déterminant pour Gutenberg puisque on travaille le cuivre, on travaille le métal et ce sont des techniques que Gutenberg a su s'approprier. Et cette technique, elle est inventée vers 1440 et c'est précisément la décennie où Gutenberg se trouve à Strasbourg. Et on pourrait même tirer le fil encore plus loin pour dire que les techniques de reproduction d'images ont déjà été appliquées sur du tissu notamment. Parce que, bien sûr, reproduire du texte sur du parchemin, du papier, c'est une chose et ça nous conduit à l'écrit, à l'image pieuse le plus souvent. Puis il y a aussi l'utilité. Donc, il y a 1000 sources d'inspiration, Nathalie Coyi. Oui, on tournait autour de cette idée. Il y avait vraiment, encore une fois, des moyens de production du multiple et des moyens d'imprimer, au sens le plus générique du terme, qui existaient et qui pourtant ne donnait pas la solution à l'impression en masse des textes. C'est ça qui est intéressant, c'est que on peut trouver au procédé de Gutenberg des antécédents et puis finalement il manquait encore la bonne idée. Et la bonne idée, cette idée d'une combinaison, l'idée d'individualiser les caractères en fait, hein, les lettres de l'alphabet. Alors cette idée c'est une idée qu'on avait déjà eue en Asie, mais on pense qu'effectivement Gutenberg n'avait pas conscience de ces procédés asiatiques, et il a effectivement eu cette bonne idée d'individualiser les caractères, les lettres de l'alphabet. Oui, c'est ça, hein, la grande idée de Gutenberg, ce sont ces caractères métalliques qui, chacun est une lettre, est un signe et qui permet de composer un texte. On l'entend bien, pour faire un texte, on pourrait faire comme la gravure d'un dessin. On pourrait écrire, c'est possible, rien ça. S'y oppose, oui, effectivement. Et on l'a fait, et en effet, donc vers 1400, c'est un premier tournant avec la mise au point de la xylographie en Europe. Et il y a un deuxième tournant qui est vers 1440, où on voit que le texte côtoie de plus en plus l'image, mais effectivement, toujours sur une planche de bois, sur une planche gravée, on va avoir une partie de la planche où on aura gravé un dessin, et en dessous, quelques lignes de texte, donc xylographiques et non pas typographiques, qui viennent accompagner l'image. Et aussi, c'est vers 1440 que arrive sur le marché des petits livres, qu'on appelle des livrets xylographiques, qui sont des textes de dimension très réduite, et où on associe texte et image. Donc là aussi, on retrouve des textes de dévotion privée, notamment la Bible des pauvres. Et donc ça, c'est quelque chose qui apparaît vers 1440. Donc effectivement, avant Gutenberg, en Europe, on sait imprimer et reproduire l'image, mais on sait imprimer et reproduire le texte. Mais il est vrai, un texte réduit, et ce qui n'est pas du tout le cas avec la Bible de Gutenberg imprimée à Mayence. Et puis il ne faut pas se planter, hein, parce que pour un dessin, c'est vrai que faire une erreur, ça donne un ébis cornu ou un bras un petit peu de traviole. Se planter dans un texte quand on le grave dans son intégralité, c'est extrêmement délicat. La faute, elle est là. Hein. Oui. Et on peut pas reprendre une matrice gravée sur bois, effectivement, à la différence d'une matrice gravée sur cuivre, où le graveur peut venir aplatir le cuivre et reprendre son motif. S'il y a une erreur dans une matrice xylographique, l'erreur est imprimée. Oui, hein, Nathalie Coyi, c'est trouver des réponses à des problèmes techniques auxquels sont confrontés tous ces gens qui veulent reproduire des images ou du texte. Oui, parce que finalement, ce qu'on peut mettre en évidence sont les avantages et les inconvénients de chaque technique, finalement. Comme la typographie s'est imposée, et s'est imposée de manière définitive, un peu évidente, ça nous semble peut-être un peu évident pour nous, vu du XXIe siècle, que cette technique ait eu des avantages absolument essentiels. Alors c'est vrai, mais en fait, chaque technique a des avantages et des inconvénients, et la xylographie, on le disait à l'instant, une fois que le texte est figé, d'une certaine manière, il est figé, il est correct, on peut réimprimer de manière très souple. Et quasiment à la demande aujourd'hui, c'est ce qu'on dirait. On dirait avec un texte xylographique, on peut imprimer à la demande et c'est pas un petit avantage. Mais en revanche, en effet, le texte est figé. Et l'intérêt de la typographie, c'est de bénéficier d'un jeu de caractères, d'un jeu de signes graphiques qu'on peut combiner absolument à l'infini et donc composer n'importe quelle page de n'importe quel texte à partir d'un matériel qui est en fait assez réduit. Et surtout qu'on va pouvoir récupérer à l'issue de la composition. On compose une page d'un texte et à l'issue du travail d'impression, on peut récupérer notre matériel. Donc avec un ensemble de matériel assez réduit, avec un jeu assez réduit, on va jouer sur les combinatoires en fait de l'alphabet latin, encore une fois, qui est assez efficace en ces termes. Et on récupère du matériel disponible pour l'impression de n'importe quelle page et de n'importe quel texte. C'est vraiment l'avantage de la typographie, c'est celui-ci. Oui, c'est magique hein, quand on en parle comme ça, parce qu'on voit cette évolution en plus qui se joue sur quelques décennies et on imagine cette réflexion, ces bidouillages qui nous conduisent alors dans la vallée du Rhin, Strasbourg ou Mayence, d'accord, mais parfois à l'autre bout du monde. Blanc Nuage voit le monde changer et sentant approcher la fin de sa vie terrestre, il souhaite mettre les enseignements des patriarches à disposition de tous. C'est ainsi qu'en 1372, âgé de 74 ans, il compile le Jigchi lors d'un séjour dans les montagnes, avant de s'éteindre, 2 ans plus tard, au monastère de Chiwam. Souhaitant perpétuer sa pensée et lui rendre un ultime hommage, ses disciples Sokchan et Talcham décident d'imprimer le livre. Myodok, une disciple religieuse disposant d'une fortune considérable, réunit les fonds nécessaires. Et c'est ainsi qu'est imprimé le Jigji, un jour de la 7e lune, de l'an 7 de l'ère Shuangwang, soit l'année Chongsa ou 1377. 1377, c'est une production de la Bibliothèque nationale de France. La Bibliothèque nationale de France avait cette sublime exposition imprimée, l'Europe de Gutenberg, 1450-1520, dont vous êtes les deux commissaires, Caroline Vran, Nathalie Coyi, avec ici cette évocation de ce livre coréen. Nathalie Coyi, il faut nous expliquer, car disons-le, à l'ouverture de cette exposition, la Bibliothèque nationale de France, le site François Mitterrand, ressemblait un peu à une bibliothèque coréenne, tant toutes les télévisions de Corée étaient présentes. Qu'est-ce que ce document ? C'est une source très essentielle de l'histoire mondiale de l'imprimerie. En fait, le Jigji est le premier livre, le plus ancien livre connu au monde, portant une date, donc daté et imprimé à l'aide de caractères typographiques métalliques, donc cette technique qui individualise les signes graphiques et pour laquelle les signes graphiques, le matériel imprimant, le matériel d'impression est bien métallique. Donc c'est très exactement la technique que Gutenberg met au point au XVe siècle en Europe. Sauf que là, on est au XIVe siècle, le document est daté, ce qui en fait une source absolument essentielle. C'est assez rare en fait hein, d'avoir sur un document à la fois, enfin de conserver à la fois un document et des sources sur ce document. Finalement, à titre de comparaison, sur la Bible de Gutenberg, il n'y a pas de page de titre. Et pour déterminer que la Bible de Gutenberg est bien la Bible de Gutenberg, c'est déjà tout un travail historique. Là, au cas particulier, le Jigji porte une date et témoigne également de la technique de fabrication. Ce sont bien des caractères fondus, donc des caractères métalliques. Et encore une fois, on est en 1377, on est 70-80 ans avant la mise au point de Gutenberg. Dans un contexte un petit peu différent, le Jigji, enfin même essentiellement différent, le Jigji contient les éléments essentiels du bouddhisme zen et c'est un document qui a été produit dans un monastère en Corée du Sud et conservé dans ce monastère dans un reliquaire. Il est connu, c'est un exemplaire unique en fait, il est vraiment connu en un seul témoin, un seul exemplaire. Encore une fois, c'est une source absolument essentielle pour l'histoire mondiale de la typographie. Et l'histoire même de ce document, ce plus ancien texte à caractère mobile métallique, est très connue. Hein. C'est-à-dire, on sait qui l'a acheté, le français qui l'a acheté au 19e siècle et qui l'a ramené en Europe. Avec quand même cette interrogation, Nathalie Coyi, vous dites, c'est le seul document connu, mais paradoxalement, l'imprimerie serait là pour multiplier les documents. Ben c'est vrai que le contexte asiatique et le contexte européen, enfin, sont vraiment deux contextes très, très différents. Là, le Jigji a été produit dans un contexte rituel. Et ce qu'on constate aussi, c'est que finalement, la xylographie, on en revient à cette technique qui est la plus ancienne à la fois en Europe et en Asie, a pu rester très efficace et en Asie est très estimée pour des... notamment parce que la xylographie permet de respecter la continuité du tracé et c'est extrêmement important en Chine, en Corée, de respecter le tracé calligraphique. En Europe, on est dans un contexte très différent, on est d'emblée dans un contexte marchand et commercial et très concurrentiel en réalité, et les typographes vont travailler dans ce contexte effectivement en prenant un vrai risque, en produisant des livres en grande quantité, sans savoir finalement à qui ils allaient les vendre. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire européenne, l'offre va précéder la demande. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ça, c'est vraiment, on est au cœur de cette réflexion autour de l'invention de l'imprimerie. C'est que l'imprimeur va proposer des documents sans être certain de pouvoir les vendre. On peut dire que c'est la même chose, hein, Caroline Vran, autour de ses estampes. C'est pas la même chose de commander à un peintre un tableau, parce qu'il sait qu'il va être payé, qu'un imprimeur de multiplier les documents en disant, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à les vendre. Oui, tout à fait. Et c'est véritablement là aussi que réside l'invention de Gutenberg. Donc on vient de dire que Gutenberg invente une technique, l'impression à partir de caractères mobiles. Enfin, il invente une technique, mais dont les bases pouvaient avoir déjà existé, soit de façon complète en Asie, soit par bribes et par éléments qu'il restait à rassembler en Europe. Mais la véritable, le changement de paradigme de Gutenberg, c'est aussi de s'inscrire immédiatement dans une logique commerciale. Gutenberg, le mythe l'a érigé un peu en figure emblématique. On ouvre l'exposition avec un tableau de 1830 qui présente un peu Gutenberg à la façon d'un Saint Jérôme qui traduit la Vulgate illuminée, éclairée par la voix divine. Aussi à la façon d'un humaniste. Saint Jérôme, c'est d'une certaine manière le premier humaniste, et Gutenberg dans ce tableau est représenté comme l'humaniste, l'intellectuel au travail. Mais en réalité, Gutenberg, c'est un entrepreneur. On pourrait dire aujourd'hui un start-upper. Les plus grands historiens de l'histoire de l'imprimerie disent que cette histoire du 15e siècle en Europe, c'est le temps des start-up. Gutenberg, c'est un entrepreneur qui sait s'entourer. Il s'entoure de financiers, il rassemble des capitaux, et il a probablement quand même d'emblée une ambition commerciale, une ambition une forte ambition de diffusion. On peut le préciser tout de suite, 70 ans avant l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, au milieu du 15e siècle en Europe, il y avait ce document en Corée. Il n'y a pas de contact, ou en tout cas, rien n'est connu aujourd'hui. C'est une vraie question, hein. Le papier a été inventé en Chine et a été transmis à l'Occident par le monde arabo-musulman. On peut se demander si les techniques d'impression ont suivi le même chemin. On n'en a pas la preuve à la date d'aujourd'hui. Donc, on considère, et parce que aussi la mise au point de Gutenberg a sans doute été assez longue, enfin, on estime qu'il a mis une douzaine d'années à mûrir ce projet. Donc, c'est quelque chose qui a été très conscient. Une vraie recherche assez longue, assez coûteuse. On en a effectivement des traces par quelques documents contractuels qui montrent effectivement que Gutenberg savait s'entourer et qu'il savait trouver des capitaux. Voilà, on peut considérer que cette recherche longue, cette maturation très consciente et assez longue de la part de Gutenberg, effectivement, bon, peut révéler qu'il n'avait pas conscience que ces techniques ou que des techniques très proches pouvaient préexister en Asie. En tout cas, à la date d'aujourd'hui, on n'a pas la preuve d'un transfert de technologie de l'Asie à l'Europe. Caroline Franck. Et l'autre élément aussi, c'est, on l'a dit tout à l'heure, l'emploi de la typographie en Asie, et donc notamment en Corée autour du Jigji, reste quand même relativement restreinte. La technique de prédilection en Asie reste la xylographie pendant un certain temps. La xylographie qui est mise au point en Asie bien, bien avant la mise au point européenne, puisqu'on considère que c'est au 7e siècle en Chine, en Corée, et mise au point la xylographie. Et ce qui est intéressant pour revenir au Jigji, c'est que cette édition typographique qu'on présente et qui est conservée donc à la Bibliothèque nationale de France, en fait, c'est probablement une édition qui sert à figer le texte, c'est un peu un prototype. Et ensuite, le Jigji, le texte, va faire l'objet d'une diffusion par la voie de la technique xylographique. Donc, c'est une technique qui reste restreinte en Asie à l'époque de Gutenberg. Ce qui peut s'expliquer aussi par la difficulté de manipuler les signes graphiques, les idéogrammes. En fait, ce sont des signes graphiques, enfin, pour le dire clairement, pour imprimer la Bible de Gutenberg, on estime qu'il fallait entre 200 et 300 signes graphiques différents, ce qui semble déjà beaucoup par rapport à notre tout petit alphabet latin. Mais pour imprimer le Jig-Jig, ce sont plusieurs milliers d'idéogrammes qu'il fallait manipuler. Donc effectivement, le jeu des combinatoires, par le biais des caractères mobiles, est infiniment plus complexe en Asie qu'en Occident, avec encore une fois notre petit alphabet phonétique qui fonctionne assez bien. Oui, pour l'imprimerie, c'est vrai que c'est un excellent fonctionnement. Et puis Gutenberg, il est un personnage incontournable de cette histoire, avec cette capacité que vous avez à nous montrer son cheminement intellectuel, d'où il vient, comment il en est arrivé à inventer l'imprimerie, parce que le petit Gutenberg enfant, au moment de s'inscrire à la Parcoursup, tout ça, il pouvait pas dire « je vais être imprimeur », ça n'existait pas encore. D'où vient-il ? Dans sa ville de Mayence, qui était une république libre, comme Venise, comme Gênes, comme Florence, existaient des institutions originales, un sénat, des édiles, des consuls et deux classes sociales, les plébéiens et les patriciens. Par sa naissance, Gutenberg appartenait à la seconde classe, car il était le fils du maître de monnaie de l'archevêque de Mayence. Gutenberg était le nom de sa mère, qu'il prit plus tard. De son vrai nom, il s'appelait Jean Gensfleisch. La famille Gensfleisch habitait à Mayence une maison sur la porte de laquelle on avait sculpté une tête de taureau. Aussi l'appelait-on la maison du taureau noir. Elle portait cette inscription « Rien ne me résiste ». Et cette devise était bien celle qui convenait à l'obstination de Gutenberg. Gutenberg présenté dans l'émission Les Bâtisseurs du Monde en 1957. Qu'est-ce qui peut conduire Gutenberg à inventer l'imprimerie ? J'inverse ma question. Quel est son parcours ? Il vient d'une famille, on l'a entendu, de Mayence. Alors, il commence par quel métier, cet homme-là ? Alors, il était probablement proche des milieux des orfèvres. Effectivement, on sait qu'il vient d'une famille aisée, ça c'est certain, qu'il a fait des études, probablement à l'université de Erfurt. Les documents contractuels qui permettent de comprendre quelles ont été les premières entreprises de Gutenberg nous le montrent mêlés à la fabrication d'objets en métal. Alors, en particulier, il a été associé à une affaire qui permettait de fabriquer des enseignes de pèlerinage. Alors, les enseignes de pèlerinage, ce sont des petits objets qu'on fabriquait à partir d'une technique qui est même très bien maîtrisée à cette période. Du plomb fondu, et ça permettait de fabriquer des petits objets qu'on vendait effectivement sur les lieux de pèlerinage, qu'on était capable de fabriquer en très très grande série, c'est-à-dire vraiment des centaines, des milliers d'exemplaires. Il faut vraiment imaginer une production de masse pour un événement ponctuel, type pèlerinage, jubilé, qu'on fabriquait plutôt sur place, donc dans des petits ateliers. Et Gutenberg a été effectivement associé à une entreprise de fabrication d'enseignes de pèlerinage pour le pèlerinage d'Aix-la-Chapelle. Et la technique qu'on emploie pour fabriquer ces petits objets, c'est très exactement celle qu'il va mobiliser pour fabriquer les caractères typographiques. C'est-à-dire, on utilise un moule qui peut être en pierre. Les exemples qu'on montre dans l'exposition, ce sont plutôt des exemples effectivement avec des moules en pierre assez fins, gravés, et on va couler du plomb fondu à l'intérieur de ce moule. Et à partir de là, on peut fabriquer effectivement en série et vraiment dans des quantités extrêmement importantes qu'on peine peut-être à imaginer aujourd'hui, des petits objets métalliques qui étaient vendus probablement, sans doute des objets assez modestes en fait. Et donc on sait que Gutenberg a été associé à ce type d'entreprise lorsqu'il travaillait à Strasbourg, ce qui prouve donc qu'il maîtrisait parfaitement ces techniques qui sont en fait proches des techniques d'orfèvrerie ou de production du multiple par des voies travail métallique. Et puis il maîtrise aussi l'univers de la finance, parce qu'il ne produit pas par centaines, par milliers, peut-être plus des petites choses à vendre aux pèlerins uniquement... pour la dévotion, c'est du commerce tout ça aussi. Ah oui, le contexte est commercial, oui. Oui, tout à fait. Et donc Gutenberg va s'associer aussi avec un financier, Fust, et cette association va être décisive. Et on peut signaler aussi à cet égard que c'est pas un hasard si les deux foyers principaux d'essor de l'imprimerie. Donc c'est le monde germanique. Et ensuite, une fois que la technique se sera diffusée, on va revenir évidemment sur la diffusion de la technique. L'autre foyer, c'est l'Italie et notamment Venise. Le monde germanique, Venise, on est vraiment sur aussi les piliers du commerce européen. Et la voie marchande est un vecteur extrêmement important d'appropriation de cette technique et de diffusion et d'utilisation. Sait-on à partir de quel moment Gutenberg s'intéresse à cet univers de l'écrit ? Très probablement, enfin, on pense que la technique est à peu près opérationnelle à la fin des années 1440, au début des années 1450. On date la Bible de Gutenberg de 1454 environ, mais il avait probablement, lorsqu'il est à Strasbourg, ça c'est vraiment intéressant. On sait qu'à la fin de son association avec l'un de ses collaborateurs, son collaborateur décède et les biens sont mis sous séquestre et Gutenberg demande à ce qu'on démonte une presse qui est à ce moment-là présente dans l'atelier. A priori, on ne voit pas immédiatement le lien avec le travail sur les enseignes, sur les badges de pèlerins qu'il était en train de produire. Donc il est probable qu'il était déjà en train de travailler effectivement sur le texte avec cette idée qu'il devait protéger son travail et protéger son secret. Donc ça veut dire qu'il y a encore une fois une maturation extrêmement consciente et que les années strasbourgeoises, dans les années 1430-1440, ont été véritablement décisives. Mais lui ne s'est jamais, n'a pas exprimé, et même le vocabulaire qui a été employé finalement reste assez flou vu d'aujourd'hui. Il ne dit pas, il n'y a aucun document qui synthétise tout ce que nous on voudrait savoir sur Gutenberg et sur la Bible. Il n'y a aucun document qui donne tous les éléments qu'on aimerait connaître. Puis il est vrai aussi qu'une vie humaine laisse moins de traces à l'époque qu'aujourd'hui. Donc effectivement, les sources sur Gutenberg sont un tout petit peu éparses. C'est très intéressant d'ailleurs ce que vous venez de dire parce qu'il y a un contraste entre la figure de Gutenberg à travers les siècles et ce que nous connaissons de lui. Caroline Vran, vous avez évoqué ce tableau qui ouvre l'exposition imprimée L'Europe de Gutenberg à la Bibliothèque Nationale de France. Ce tableau, il est de 1831, c'est de Jean-Antoine Laurent. Donc le Gutenberg physique, on ne le connaît pas, mais on ne connaît même pas sa vie. Dans cette idée de basculer d'un travail qui est proche de celui des orfèvres à l'imprimerie, il y a sans doute un contexte. Dans cette vallée du Rhin, Caroline Vran, on dirait la Silicon Valley, vu que vous nous avez dit que c'était des start-up qui étaient là-bas. Il y a tout ce qu'il faut pour réfléchir à l'écrit. L'écrit est au centre de cet univers. Oui, tout à fait. L'écrit et aussi le multiple. Donc, Nathalie vient d'évoquer ces enseignes de pèlerinage qui sont effectivement diffusées à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Dans la vallée du Rhin, vers 1440, on commence aussi, par exemple, à produire des cartes à jouer gravées sur cuivre. Et là aussi, on voit bien l'enjeu de diffusion et l'enjeu de multiple. Les cartes à jouer, c'est un grand succès de société à l'époque. Il y avait un besoin de les diffuser en grand nombre et de les diffuser aussi, certainement, pour un public un peu moins aisé que le public qui, jusqu'à présent, achetait de luxueuses cartes enluminées. Donc, il y a aussi cet enjeu de diffusion et de répandre un savoir et de répandre des contenus à des couches un peu plus inférieures de la société. Oui, ce sont ces estampes qui sont si intéressantes. Caroline Vran, vous êtes docteur en histoire de l'art, conservatrice du patrimoine et chargée des estampes 15e, 16e siècle à la Bibliothèque Nationale de France. Et évidemment, avec Nathalie Coyi, commissaire de cette exposition imprimée. Les estampes se diffusent très bien, mais l'écrit aussi se diffuse. Alors l'écrit, où en est-on du temps de Gutenberg ? Ça veut dire qu'il n'y a que des écrits recopié à la main, ou alors, on l'a dit, xylographié, c'est-à-dire une planche de bois, ou alors de cuivre. Ça, c'est l'avancée qui permet cela, et c'est à peu près tout pour reproduire des écrits. Mais pour reproduire les textes, effectivement, on est encore au temps de Gutenberg soumis au régime de la copie manuscrite, qui est donc assez lente, assez contraignante. Ce qu'on peut dire, c'est que dans la deuxième moitié du XVe siècle, on estime que 10 à 15% de la population est alphabétisée. C'est évidemment une minorité. Mais les besoins en textes, en livres, n'ont fait que croître au cours du Moyen-Âge. Donc on a On peut identifier plusieurs stades de croissance de la production du manuscrit en essayant de se doter de techniques qui permettent d'accélérer un petit peu le travail et de produire, par exemple, au moment où les universités fleurissent un peu partout en Europe, le nombre de maîtres et d'étudiants augmente. On a donc un besoin en livres qui est très conscient et un besoin en bons livres. Et donc, on va se doter de techniques qui permettent de produire des manuscrits en série et en essayant de limiter le risque d'erreur. Donc on est à la fois sur la voie d'une production sérielle et en même temps, on essaye d'apporter des garanties en termes de qualité. En fait, la terreur au Moyen-Âge, ce sont les erreurs de copie. Et sur la Bible, et ça rigole pas. Et sur les textes religieux, effectivement, c'est quelque chose qui peut être assez problématique. En tout cas, on est très conscient qu'on peut avoir un effet de dérive de copie en copie si on commet trop d'erreurs. Donc au moment où Gutenberg est actif, on sait qu'un commerce du livre existe déjà, que ce commerce du livre est actif, qu'il est plutôt localisé en ville et qu'il s'adresse potentiellement déjà à un lectorat laïque. Voilà. On sait qu'à ce moment-là, on peut trouver à l'étal des libraires des manuscrits qui sont produits sans commanditaire et qui peuvent être l'objet d'une production plutôt standardisée. Néanmoins, ça reste très limité. Effectivement, la copie manuscrite, c'est quand même à des limites très très claires. Donc, ce que les publics que les typographes vont pouvoir conquérir, c'est finalement ce cercle de citadins qui peuvent être alphabétisés, mais qui ne sont pas, au XVe siècle, forcément très familiers du livre, ou qui en possèdent un ou deux, mais qui ne sont pas collectionneurs, qui ne peuvent pas se permettre d'accumuler des livres de manière significative, parce que le livre reste quand même un objet assez, assez cher, enfin, tout simplement un objet assez rare et assez cher. Du coup, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la demande préexiste à Gutenberg. Voilà, c'est ça, hein. C'est toujours cette histoire d'offre et de demande. La demande préexiste à Gutenberg, mais que pour un bourgeois de cette vallée du Rhin, il n'y a pas l'habitude, en fait, tout simplement, d'aller commander un livre. C'est pas comme ça que ça se fait. Dès lors, il est urgent de produire beaucoup de livres. Oui, beaucoup de livres en série, ça presse. À Mayence, la maison de Gutenberg va être rouverte au public. Musée émouvant qui conserve depuis 500 ans les reliques de la première imprimerie et cette Bible qui fut le premier ouvrage imprimé de tous les temps. Ici, pour la première fois en 1545, des hommes s'affairèrent autour d'une presse primitive. Gutenberg inaugurait le système des caractères mobiles, dû à son génie inventif, qui devait révolutionner complètement la vie des hommes en facilitant l'instruction, la communication spirituelle, l'information. Une part de ce qui a fait le progrès humain est sortie de cet atelier. La France n'a pas oublié ce que le monde doit à Gutenberg. La remise en état du musée de Gutenberg à Mayence, présentée dans le journal des actualités françaises en 1946. Mayence, 1946, c'est la zone d'occupation française. Alors, ce musée de Mayence, ce musée Gutenberg est important parce que c'est la synthèse de tout ce qu'il a pu se passer dans l'esprit de cet homme qu'il ne faut pas réduire à lui seul. Vraiment, Nathalie Coyi, une presse, c'est énorme. Il y a tant de choses à manipuler, des textes à composer, donc ils sont nombreux, j'imagine, autour de lui. Alors, on estime que pour faire fonctionner une presse, il faut trois personnes, deux pressiers et un compositeur. Donc, une personne qui va véritablement composer le texte, c'est le premier travail, effectivement, hein. Jouer avec les caractères typographiques un par un, les mettre dans le bon sens, parce qu'on travaille de manière inversée, c'est pas tout à fait évident. Composer le texte et puis ensuite effectivement le passer sous cette presse. La presse, c'est vraiment l'un des éléments clés de la technique typographique européenne. C'est un élément qui n'a pas d'équivalent dans les techniques asiatiques, c'est assez intéressant. C'est là encore un dispositif que Gutenberg a détourné, c'est-à-dire que des presses lui préexistaient. Au XVe siècle, on pouvait utiliser des presses pour presser du raisin, les papetiers en utilisaient aussi. Et là, Gutenberg a l'idée d'utiliser la presse pour exercer sur la composition typographique et sur le papier qu'on met en contact avec cette composition typographique, une pression à la fois forte et bien régulière sur toute la surface de la page. Et la puissance de la presse est sans doute ce qui a le plus impressionner les contemporains, parce que composer un texte, c'est effectivement un travail assez complexe, en tout cas minutieux. Mais une fois que cette composition est prête, une fois que le premier feuillet, en fait, est prêt, on peut passer, en fait, sous la presse autant de fois que nécessaire pour obtenir le tirage souhaité. Et cette puissance-là, dans le processus itératif, a vraiment beaucoup, beaucoup frappé les contemporains. Et ça nous frappe aussi quand on visite cette exposition imprimée. Caroline Vran, c'est la qualité du résultat. Quand on voit ces documents, et notamment la Bible de Gutenberg, la précision de ces lettres, enfin, ça ne bave pas, c'est encore intense. Il faut parler de la qualité de l'encre aussi, qui permet cela. Ça fonctionne bien. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est impressionnant de constater l'efficacité de la technique appliquée pourtant, dans le cas de la Bible, à un texte de plusieurs milliers de pages. Donc il y a une maîtrise technique. Ça, c'est quand même un point commun à la fois au contexte d'invention de l'imprimerie à caractère mobile et le contexte d'invention de l'imprimerie de l'image, que ce soit la xylographie ou la technique de la gravure sur cuivre en taille douce, on est extrêmement surpris de voir que les premiers essais, enfin les premières manifestations conservées montrent déjà une maîtrise technique absolument incroyable. Ce qui nous laisse d'ailleurs penser qu'il y a eu des essais ratés auparavant, mais qu'on ne les a pas conservés parce qu'ils ont été jetés à la poubelle ou ils ne sont pas rentrés dans les circuits classiques de collectionneurs et donc de conservation. Voilà. Mais c'est vrai que on montre énormément de premières et ces premières sont d'une maîtrise technique absolument éblouissante et très étonnante. Oui, vous le dites avec justesse, on n'a pas conservé ce qui était un petit peu bof, bof, bof. Mais j'imagine que Gutenberg et toute son équipe n'ont pas commencé par la Bible. C'est immense. Est-ce qu'on arrive à identifier les premiers textes qui ont pu être imprimés ? Oui, ce sont des témoins beaucoup plus modestes, effectivement. Alors, l'un des documents emblématiques de cette toute première phase de la typographie européenne, c'est les lettres d'indulgence. Les lettres d'indulgence, c'est ces documents par lesquels les chrétiens pouvaient racheter des années de purgatoire en échange d'une somme d'argent. C'était au Moyen-Âge une manière de collecter des fonds pour les autorités ecclésiastiques. Et alors l'intérêt pour les typographes, c'est que, ou pour les premiers typographes, au cas particulier pour Gutenberg, c'est que une lettre d'indulgence, c'est un formulaire d'une page. Donc c'est extrêmement efficace d'imprimer des indulgences parce que chaque coup de presse produit un document dans un cadre qui est en plus relativement sans risque puisque on est là face à une commande des autorités ecclésiastiques. Et donc effectivement les tout premiers documents connus pour l'Europe sont plutôt de ce type. Alors il y a les indulgences qui sont en plus extrêmement importants pour la chronologie de notre mise au point parce que ce sont les premiers documents datés. Et on a peu de documents datés. Donc ces indulgences sont vraiment très importantes. Et les autres types de documents sont plutôt connus sous forme de fragments, donc sont aujourd'hui un peu des épaves. Des calendriers, des petites grammaires latines, et encore une fois, pas forcément connus sous une forme complète. Mais ça permet de se convaincre, malgré tout, que la Bible de Gutenberg n'est pas un coup d'essai et qu'on avait pu tester la technique auparavant sur des documents beaucoup plus modestes formellement. Caroline Vaughan. Et malgré tout, donc effectivement, ces premiers exemples sont déjà, montrent une maîtrise technique très très aboutie. Mais pourtant, la Bible de Gutenberg est un exemplaire qu'on expose justement, conservé à la Bibliothèque nationale de France, porte quand même témoignage de cette phase de tâtonnement, avec notamment le passage d'une Bible à 40 lignes à une Bible à 42 lignes, ce qui permet aussi d'avoir un rendement commercial plus efficace, puisque si on imprime plus de texte sur une page, on aura besoin de moins de pages de papier ou de parchemin. Et ce qui est intéressant, donc ça passe de 40 lignes à 42 lignes, mais il faut imaginer derrière que du coup, pour changer le nombre de lignes, Gutenberg a dû refondre tous ses caractères. Donc là, on a quand même un témoignage matériel d'un tâtonnement, d'une expérimentation qui est encore en cours. Oui, la phase expérimentale est extrêmement importante. C'est d'ailleurs la première fois qu'on expose à la Bibliothèque nationale les deux exemplaires conservés par la BNF de la Bible de Gutenberg, parce que ça nous permet de mettre le doigt sur cette phase expérimentale. Et le fait que Gutenberg et ses associés, Foust et Schoeffer, ont vraiment pris le temps au début de ce travail d'estimer en fait le temps qu'ils allaient y passer et Oui, aujourd'hui, on parlerait de coûts de production, tout simplement. Hein. D'ailleurs, ces deux bibles ne sont pas identiques. Alors, elles sont identiques au sens où il y a les mêmes planches qui ont servi à imprimer les pages, mais il y a quand même énormément de différences. Oui, les deux exemplaires qu'on présente, qui sont conservés à la BNF, sont très connus en fait, des spécialistes, parce qu'ils portent tous les deux des témoignages, des spécificités qui en font des sources pour l'histoire de la typographie européenne. Alors, il y a un exemplaire qui est imprimé sur parchemin, qui est dans un état de conservation absolument remarquable, et un exemplaire imprimé sur papier. Déjà, ce premier élément, le choix d'imprimer sur papier ou le choix d'imprimer sur parchemin, ça montre une très grande conscience de ce qu'était l'état du marché à ce moment-là, avec des acheteurs qui sont des professionnels de la lecture, des moines, qui peuvent être tout à fait séduits par le fait d'investir dans un exemplaire imprimé sur parchemin, bien que ce soit beaucoup plus cher, parce que on a eu l'occasion au cours du Moyen-Âge d'éprouver la longévité du parchemin. Donc on a confiance, on sait que c'est un matériau qui va résister à un usage éventuellement un peu intensif et aux outrages du temps. Donc déjà, effectivement, Gutenberg ménage la possibilité pour ses futurs acheteurs d'investir dans un exemplaire sur parchemin ou d'acheter un exemplaire un peu moins onéreux. Et l'exemplaire imprimé sur parchemin nous montre une sorte de page de test qui nous montre qu'il a tenté d'imprimer en bichromie, ce qui est extraordinaire pour cette période. Il a tenté l'impression en bichromie et réussi, à vrai dire. Et s'il y a renoncé au bout de quelques feuillets, c'est parce que très probablement ça prenait trop de temps, c'était trop minutieux, bref, c'était trop coûteux. Oui, c'est ça, hein, c'est une économie du livre et donc on ne fait pas n'importe quoi parce qu'il faut réussir à vendre son livre. Avec Caroline Vranche, je me tourne vers vous pour les images. Est-ce que ça a une incidence sur toutes ces images déjà produites auparavant avec des techniques différentes? Là, maintenant, on a l'imprimé. Alors, qu'est-ce que ça change? Alors, c'est vrai que l'insertion de l'image dans les premiers imprimés s'impose quand même assez rapidement comme un enjeu majeur pour les premiers typographes, puisque comme on est toujours, c'est bien des fils rouges de l'exposition, dans une démarche commerciale, il faut attirer le lecteur, il faut aller chercher l'acheteur. Et pour ça, il faut correspondre à ses attentes. Et l'attente du lecteur, de l'acheteur, du possesseur de livres à cette époque-là, c'est d'avoir des livres colorés, c'est d'avoir des livres enrichis d'illustrations de la même façon que l'étaient les manuscrits. Donc assez rapidement, les imprimeurs vont tenter d'insérer l'image dans l'imprimé. Alors les tout premiers continuent de recourir au mode traditionnel d'illustration du livre, c'est-à-dire aux enlumineurs. Le marché est là, les professionnels sont là, les ateliers d'artistes sont là, donc les premiers imprimeurs font appel aux enlumineurs qui viennent donc dans un second temps, une fois que les cahiers ont été imprimés, enrichir l'ouvrage. Mais assez rapidement, certains imprimeurs, et donc là aussi on a d'autres inventeurs, d'autres innovateurs, d'autres expérimentateurs qui, à la suite de Gutenberg, vont développer et enrichir le processus. Le premier imprimeur à insérer des gravures sur bois dans ses ouvrages imprimés pour l'illustration, c'est Pfister à Bamberg. On est vers 1461-1462, donc c'est assez tôt quand même, ça vient assez vite. Le premier mode d'insertion d'illustration aussi gravée mécanique, c'est la technique de la gravure sur bois. La technique de la gravure sur bois a le grand avantage pour les imprimeurs d'être une technique, on l'a dit, en relief, de la même façon que les caractères typographiques sont gravés en relief. Donc tout ça peut être placé au sein de la même forme sur la presse et tout ça peut être imprimé au moyen de la même presse. Un passage sous la presse permet d'imprimer le texte et l'image côte à côte. Mais d'autres imprimeurs vont malgré tout essayer d'autres techniques, la gravure en taille douce, la technique de la gravure sur cuivre en relief. On retrouve exactement les mêmes problématiques et les mêmes lignes directrices sur la question de l'image que sur la question du texte, c'est-à-dire énormément d'expérimentation, un foisonnement, différentes personnalités qui vont vraiment contribuer à mettre en place le livre moderne. À faisant attention, bien sûr, à ne pas oublier toutes ces anciennes techniques. C'est pas parce qu'il y a l'imprimerie qu'il faut oublier la gravure. France Culture. Je veux te graver dans ma vie. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Anna Holweck et Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui à la technique Audrey Guélil, le cours de l'histoire qui s'intéresse à l'imprimerie et à Gutenberg, un homme de caractère évidemment. L'idée de la diffusion de l'imprimerie est quelque chose là aussi qui peut nous surprendre. C'est comme une réduction chronologique entre le moment de l'invention. Ce qui surprend les contemporains, c'est aussi que très vite, cette imprimerie va se trouver dans d'autres villes. Alors Mayence, point de départ, et ensuite ? Alors l'imprimerie va vraiment se diffuser le long de la vallée du Rhin en suivant les routes commerciales. Si on essaye de superposer la carte des premiers lieux d'impression, enfin les premiers lieux où la typographie se déploie avec la carte des routes commerciales, on se rend compte que ça fonctionne assez bien. Et la plupart des ateliers typographiques de la deuxième moitié du XVe siècle sont concentrés le long de cette grande route commerciale qui relie les Flandres à l'Italie et qui est très active. Il y a une forme de prospérité, de dynamisme un peu paradoxal en Europe dans la deuxième moitié du XVe siècle, parce que finalement on sort de la peste noire, l'Europe est quand même relativement affaiblie, mais il y a un vrai dynamisme commercial et les marchands allemands en particulier voyagent beaucoup. Donc la typographie se déploie d'abord, elle est portée par les typographes allemands. Il y a vraiment un premier cercle autour de Gutenberg qui va porter cette technique. On peut faire quelques portraits de typographes itinérants qui voyagent, qui se déplacent plus qu'on pourrait l'imaginer peut-être aujourd'hui. Et la technique va ensuite se diffuser en dehors de l'Allemagne. D'abord en Italie, le premier pays à accueillir la technique typographique en dehors de l'Allemagne, c'est l'Italie, notamment avec les foyers de Rome et de Venise. Venise qui va devenir un centre de production à l'échelle européenne. Venise va vraiment inonder l'Europe de ses productions. Et pour parler de la France, la technique typographique va s'y déployer plutôt dans un deuxième temps, dans un deuxième stade, après les années 1470, en particulier à Paris et à Lyon, qui sont les deux premiers foyers et qui vont rester quand même des foyers d'exportation, des lieux où on va vraiment produire beaucoup, beaucoup de livres. Oui, c'est ça, production du livre, mais ce n'est pas ce qu'on appelle du livre noir, c'est-à-dire où il n'y a que du texte. Vous nous l'avez bien dit, hein, Caroline Vran, les enlumineurs sont toujours en activité. C'est-à-dire que l'idée de la couleur est présente. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas passer de livre enluminé, le livre ostentatoire, le livre qui fait waouh quand on le voit, à un livre tout noir. Donc il y a toujours cette activité-là. Ça veut dire que tous les artistes sont encore mobilisés. Le fait que la diffusion de l'imprimerie touche d'autres univers, par exemple l'Italie, ça a une incidence sur la création, sur l'évolution de cette nouvelle technique. Oui, alors en Italie et notamment à Venise, on constate un phénomène qui est bien particulier. Le foyer vénitien, qui donc, comme vient de le dire Nathalie, s'impose très rapidement comme un des principaux foyers de production du livre imprimé européen, va rester très longtemps, plus longtemps que d'autres foyers, fidèle à l'illustration manuscrite. Et on présente dans l'exposition une belle section d'incunables vénitiens où on montre justement la lente transition des typographes vénitiens de l'illustration enluminée à l'illustration gravée. Et vraiment, ces premiers incunables vénitiens reprennent tous les codes de l'illustration manuscrite de luxe. Les typographes font appel aux mêmes enlumineurs. Les plus grands artistes d'Italie du Nord interviennent pour peindre de somptueux frontispices qui pourraient d'ailleurs faire croire aux visiteurs qu'il est en face d'un manuscrit. Mais non, c'est bien une page d'ouverture d'un imprimé. Et Venise va rester fidèle à cette tradition manuscrite jusque dans les années 1490. Et il faut attendre la décennie 1490 pour que Venise fasse pleinement la transition vers l'illustration gravée, mais avec une particularité vénitienne qui perdure, la très grande qualité des illustrations gravées et des typographes qui continuent de collaborer avec les artistes et avec des peintres qui vont donner des modèles qui vont servir ensuite aux graveurs. Donc il y a vraiment une spécificité vénitienne et dans l'exposition on consacre deux vitrines à cette question de l'illustration vénitienne. Et dans le monde germanique, dans le même moment, il y a l'appropriation de cette nouvelle technique par des artistes. Alors quels artistes? Notamment Albrecht Dürer, Caroline Vran, vous êtes l'autrice de Albrecht Dürer, Gravure et Renaissance, coécrit avec Mathieu Deldic. C'est ça aussi, l'imprimerie, c'est parmi les plus belles œuvres qui ont pu être produites à ce moment-là. Ces gravures de Dürer, c'est encore aujourd'hui ce patrimoine du XVe siècle. Oui, tout à fait. Je viens de parler de Venise, mais c'est vrai que c'est une constante dans l'Europe de cette période. Les imprimeurs et les typographes vont s'associer avec les artistes les plus talentueux. Et on montre dans l'exposition le rôle de Dürer. Alors, on le montre à deux endroits. À un endroit où on se concentre sur le foyer balois, puisque la ville de Bâle a aussi été un foyer très important, et on présente deux matrices qui constituent un matériel extrêmement rare. C'est un des rares prêts extérieurs. L'exposition repose quasiment dans l'intégralité sur les collections de la Bibliothèque nationale de France, qui sont très riches dans le domaine des incunables imprimé et aussi de l'image imprimée, mais on a fait appel au musée de Bâle, au Kunstmuseum de Bâle, qui nous a prêté deux matrices sur bois, l'une gravée et l'autre uniquement dessinée, et dont le dessin appliqué à main levée sur la matrice est attribué à Dürer. Et à un autre endroit de l'exposition, on développe un focus sur la ville de Nuremberg. Donc la ville de Nuremberg, c'est là aussi un très important foyer de production du livre imprimé. Et Nuremberg se spécialise dans la production de livres imprimés illustrés. Et Nuremberg, c'est la cité natale de Dürer. C'est la ville où Dürer sera actif quasiment l'intégralité de sa carrière. Et c'est assez, ça a été un plaisir à l'occasion de cette exposition, de vraiment replacer Dürer dans son contexte, qui est celui des imprimeurs. Dürer, il est formé dans l'atelier d'un peintre très important, Michael Wolgemuth, qui est aussi un graveur sur bois, et c'est cet atelier qui va fournir les bois d'illustration pour les plus ambitieux ouvrages imprimés de la période. Le parrain de Dürer, c'est Anton Koberger, qui est le plus important imprimeur de la période. Donc, ça permet vraiment de replacer Dürer, il est connu comme, et à juste titre, comme le plus grand artiste de la Renaissance, il est peintre, il est graveur, mais en fait, il baigne vraiment dans le milieu de l'impression, et on présente quelques pages, quelques feuilles et aussi sous forme d'ouvrage sa série de l'Apocalypse, qu'il publie en 1498. Et là aussi, on la replace dans son contexte. Dürer qui publie l'Apocalypse en 1498, qui est un livre illustré. Au recto, on trouve ces images en format absolument extraordinaire, absolument visionnaire. Et au verso, il y a le texte imprimé, soit en langue allemande, soit en langue latine. Mais ça s'inscrit vraiment dans la tradition de ce que faisait Nuremberg à ce moment-là. Et juste à côté, on présente les monumentales chroniques de Nuremberg. Et la filiation, elle est là. Le modèle de Dürer, ce sont les très imposants ouvrages imprimés, illustrés, produits à Nuremberg. C'est la force de cette exposition. Et imprimer l'Europe de Gutenberg 1450-1520 à la Bibliothèque nationale de France, c'est de replacer l'ensemble dans son contexte et sur un temps long. Parce que si c'était juste l'invention de l'imprimerie, Nathalie Coyi, vous auriez mis une presse et les Bibles de Gutenberg. Et puis, allez, c'est... non, là, vous avez... 1455, c'était terminé. Voilà, et c'était terminé 1455. Non, là, vous avez déplacé des volumes de documents. Vous êtes conservatrice chargée des collections des incunables à la Bibliothèque nationale de France. Les incunables, d'ailleurs, on peut rappeler de quoi il s'agit. Oui, alors la définition de l'incunable, c'est il s'agit donc des imprimés produits avant le 31 décembre de l'année 1500. Donc c'est une définition très bibliophilique en réalité, et qui sur un plan historique ne veut pas dire grand-chose. Il n'y a pas une grande différence entre un livre imprimé en décembre 1500 et un livre imprimé en février 1501. Donc ça, effectivement, ça veut pas dire grand-chose pour nous. Et on souhaitait vraiment travailler cette période sur un temps un petit peu long. On considère, pour la France, que le livre a définitivement perdu ses caractéristiques médiévales aux alentours de 1520. Donc c'est vraiment cette période qu'on a voulu explorer. Comme une période de transition, d'abord montrer que effectivement la chronologie de l'invention, la chronologie des changements économiques et des changements socioculturels, enfin ces trois chronologies ne se superposent pas complètement, et il fallait l'analyser sur un temps un petit peu plus long pour essayer de comprendre quelles avaient été au fil des décennies les implications, les conséquences de la typographie. Et puis dans cette démarche-là, moi, ce que j'ai repéré sur ce nombre de volumes sortis, c'est que l'on voit la richesse inventive et le succès immédiat de l'imprimerie. On l'a sans cesse dit dans cette émission, une demande et une offre, ah ben là, c'est bon, quoi. Il y avait de quoi répondre à la demande. On a un témoignage très précoce qui permet de mettre l'accent, effectivement, sur ce qui a été apprécié. C'est une lettre du futur pape Pie II qui réagit. En fait, il a vu probablement à la foire de Francfort, qui est déjà un grand rendez-vous des hommes du livre, des cahiers de la Bible de Gutenberg. Et effectivement, il s'extasie sur trois choses. C'est parfaitement lisible. On pourrait le lire sans lunettes. Merci Gutenberg, c'est lisible sans lunettes. Le texte est correct, c'est important, il s'agit de la Bible, de la Vulgate latine, donc ça aussi c'est quelque chose qui est très important. Et enfin, il parle du tirage. Il nous donne une indication extrêmement précieuse et qu'on n'a pas toujours sur les imprimés du XVe siècle. Il nous parle du tirage entre 158 et 180 exemplaires, et ça a effectivement énormément frappé les contemporains. Tout en les mettant un peu au bord du vertige, parce que d'un seul coup, on a effectivement une production de livres qui est tout à fait importante, et les auteurs, les humanistes en particulier, vont prendre conscience de leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'on est très heureux d'imaginer qu'on va enfin éradiquer le risque d'erreur de copie, mais on réalise aussi qu'on peut commettre d'autres types d'erreurs, ce qu'on appelle des coquilles typographiques, et quand on commet une erreur, on la diffuse en fait avec une puissance décuplée. Et ça, effectivement, quand les auteurs vont comprendre quelle est leur responsabilité, ça va les mettre un petit peu au bord du vertige. Caroline Vran. Et il faut souligner aussi à quel point l'entreprise, cette économie du livre est à cette époque-là concurrentielle. Il y a un marché, il y a un public, mais on reste quand même... les typographes sont tellement entreprenants que l'offre dépasse la demande. Et la période est aussi marquée par des crises de la surproduction. Des imprimeurs, on a des traces qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à écouler leur stock. Il leur reste plusieurs milliers d'ouvrages sur les bras qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et donc on est à une période où l'économie, le marché du livre se met en place et les typographes, les imprimeurs, les libraires vont aussi développer des stratégies commerciales pour se faire connaître et réussir à écouler leur production. Oui, on peut dire que les typographes sont les inventeurs de la marque commerciale. Ben voilà, c'est cette histoire-là, imprimer l'Europe de Gutenberg à la Bibliothèque nationale de France, la contextualisation, cette histoire économique, on pourrait ajouter sociale, on l'entend bien par la clientèle, et puis faut quand même évoquer cette émotion, toute simple, de voir ces documents, d'être là devant les premiers imprimés où l'on rencontre Villon, on voit tout ce qu'on a pu croiser dans des ouvrages, dans des manuels, de voir cette qualité. Merci vivement à toutes les deux, Nathalie Coyi et Caroline Vran, de nous avoir présenté Imprimé, point d'exclamation. L'Europe de Gutenberg, il est temps de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Comment les paysans du XVIIe siècle administraient leur village? L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible. Ils ont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine. Et en effet, ils sont des hommes. Ce fameux extrait des caractères de la Bruyère est souvent présenté comme une critique des injustices sociales sous le règne de Louis XIV. C'est vrai. Mais cette vision du monde paysan illustre aussi les préjugés des élites de la cour de Versailles à l'égard des milieux populaires. La misère des campagnes, aggravée par de terribles épisodes de famine, ne doit pas faire oublier que les animaux farouches décrits par La Bruyère étaient en réalité des hommes dignes et capables de délibérer sur leurs propres affaires. Dans son étude sur les registres dits de consentement, Antoine Follin a montré que l'un des enjeux majeurs auxquels étaient confrontés les paysans du XVIIe siècle concernait le montant et la répartition de l'impôt royal qu'on appelait la taille. En Normandie, il n'était pas rare que les villageois se réunissent jusqu'à 8 ou 9 fois dans l'année pour régler ces questions fiscales. Chacune de ces assemblées se terminait par la rédaction d'un ou de plusieurs procès-verbaux. L'étude de ces documents montre le fort degré d'autonomie dont disposaient alors les communautés rurales. Il arrivait même que les villageois tiennent leur curé à l'écart pendant les délibérations et qu'ils fassent appel à lui uniquement pour consigner leurs résultats par écrit. La force des liens communautaires ne signifie pas pour autant que ces assemblées étaient démocratiques. Les procès-verbaux montrent que les paysans qui y participaient ne représentaient qu'une minorité des villageois. Les femmes jouaient un rôle important dans les manifestations collectives et religieuses, mais pas dans la vie politique locale. Elles en étaient exclues en raison de leur sexe et aussi parce qu'elles étaient dépendantes de leur époux sur le plan économique.